Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a rencontré le 9 courant au palais des congrès de Mansudae à Pyongyang, la délégation de l'Union des femmes du Laos, conduite par la présidente de son comité central, Illawan Kaewoo-Bunpan, membre du comité central du Parti populaire révolutionnaire laotien, qui lui a rendu une visite protocolaire.